Nous allons avoir des températures très confortables cette fin de semaine et nous devrions en profiter pour aller jouer dehors parce que c'est bénéfique pour notre santé. C'est ce que montre l'avis du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur qui est paru cet automne, un avis appuyé sur des études scientifiques et Camille Vellefèvre va nous en faire un résumé. Bonjour Camille. Bonjour Valérie, ça va bien? Oui. Moi aussi j'ai hâte d'aller jouer à l'extérieur. Donc oui, je vais vous parler de l'avis sur le plein air au Québec, on bouge en plein air, qui, comme tu l'as mentionné en entrée, qui a été publié par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur du Québec en novembre dernier à l'occasion du forum plein air qui a pris place à Sainte-Adèle. Donc, je vais parler principalement de l'importante contribution de la science dans la démarche de rédaction de cet avis auquel j'ai notamment contribué. Mmh. Donc, fort intéressant. Et à qui est destiné, en fait, cet avis? Quel est l'objectif derrière la rédaction de cet avis? Tout d'abord, un avis, c'est une information qui est destinée au public émanant d'une autorité officielle, soit du gouvernement dans ce cas-ci. Donc, pour faire une mise en contexte rapide, au cours des dernières années, le ministère a soutenu différentes initiatives, dont le mécanisme de concertation sur les enjeux de pérennisation et de développement des sentiers et des lieux de pratique de loisirs de plein air. Donc, c'est le nom du comité. Ouais. Et également, la table de concertation ado plein air. Donc, pour favoriser, les deux comités, c'était pour favoriser la pratique d'activités de plein air auprès de la population québécoise. Donc, il est ressorti de ces travaux qu'il existait un manque d'informations relatifs aux bienfaits du plein air afin de soutenir les intervenantes et les intervenants des différents secteurs à passer à l'action. Mm-hmm. On parle de secteurs tels que les services de garde éducatifs à l'enfance, du secteur préscolaire, scolaire, municipal, gouvernemental, associatif, communautaire, entrepreneurial et j'en passe. Mm-hmm. Donc, c'est à travers ce contexte que s'est mis en place le document dont l'objectif principal, c'est d'outiller ces intervenants là, des divers secteurs à favoriser le développement et la promotion des activités plein air au Québec. Donc, on peut dire qu'il s'agit d'un outil scientifique mis à leur disposition, mm-hmm. ou encore, si on préfère, là, d'un genre d'argumentaire pour appuyer leur démarche, en fait. Oui, d'accord, ouais. D'accord. Donc, et pour arriver à réaliser ce document, quelles ont été les différentes étapes dans la démarche de rédaction? En fait, où est intervenue la science? Comment on en a pris compte? Donc, parmi les étapes qui sont importantes, notons la mise en place de deux comités, l'un de suivi des travaux et l'autre d'un comité d'experts. Donc, le comité d'experts était composé de près d'une douzaine de personnes que l'on nommait de sages. Donc, si on peut dire ainsi, là, soit des gens qui provenaient principalement de diverses disciplines du milieu universitaire. Ce sont ces têtes pensantes du Québec qui ont eu le rôle de réviser le contenu de l'avis afin de nous suggérer des auteurs incontournables, mm-hmm. des études probantes, même de suggérer des thématiques à aborder et également là, de démystifier les théories qui étaient les plus relevantes pour leur champ d'expertise. Donc, on parle ici de domaines d'études comme celui de l'éducation, de l'intervention par le plein air, de la santé, de l'aménagement mm-hmm. et de l'environnement. Donc, des scientifiques de ces différents domaines. Exactement. D'accord. Qui provenaient de diverses universités mm-hmm. Au Québec, oui. Mm-hmm. Donc, dans un autre temps, les résultats des divers travaux des deux comités que je vous ai mentionnés plus tôt, qui ont été réalisés dans les années précédentes ont été mis à profit. Donc, tous les travaux ont été mis à profit pour documenter les défis auxquels fait face le plein air au Québec, mais aussi pour établir des constats et des pistes d'action à envisager dans le milieu. Donc, l'étape qui est la plus importante, à mon avis, ça a été de mener une revue de la littérature sur les bénéfices, mm-hmm. les politiques, mais également sur les pratiques en matière de plein air. Donc, c'est ici qu'intervient le rôle prépondérant de la science dans cet avis sur le plein air, puisque cette revue de la littérature constitue le cœur des mm-hmm. informations mm-hmm. contenues mm-hmm. dans le document. Puis là, il faut préciser, quand on parle de revue de littérature, finalement, c'est qu'on prend plein d'articles scientifiques et on les analyse et on essaie d'en extraire le jus. Exact. C'est ça qu'on appelle brièvement la revue de littérature. Exactement. Ouais. Puis c'était une revue de littérature qui était menée dans diverses sphères là, de la science. Mm-hmm. Donc, puis c'est quand même intéressant donc, de connaître cette démarche derrière l'écriture d'un avis gouvernemental et de constater justement la contribution de la science. Donc, quels ont été les principaux résultats de cet avis? Parmi le contenu qui a été extrait là, de cette revue de la littérature qu'on retrouve dans la vie, notons la présence d'initiatives inspirantes québécoises et internationales pour illustrer différentes façons de développer et de promouvoir le plein air au Québec. Une des principales sections du document est réservée aux bienfaits du plein air sur la santé mentale et physique des individus, mm-hmm. ainsi que sur leur bien-être. Ouais. Donc, en rafale, je vais vous donner quelques résultats qui ont été extraits là, de cette revue mm-hmm. de la littérature-là et qui sont d'ailleurs appuyés par plusieurs études scientifiques. Donc, en premier lieu, le contact avec la nature favorise la pratique d'activités physiques, les contacts sociaux et réduit le stress, ce qui entraîne des répercussions positives sur la santé et le bien-être des gens. La diminution du stress a été associée au contact avec la nature et elle s'observe physiologiquement par la réduction du taux de cortisol, de la tension artérielle mm-hmm. et du rythme cardiaque. Mm-hmm. Est-ce qu'on sait si c'est pendant ou si ça perdure après avoir été dehors, ça? C'est les deux, en fait. Ouais. Oui, les effets perdurent quelques temps après également, oui. La nature favorise le jeu libre chez les enfants, ce qui stimule leur créativité, contribue à leur développement moteur et augmente leur niveau d'activité physique. On peut penser au fait de grimper aux arbres, mm-hmm. de grimper sur des rochers, de jouer avec des brindilles au sol, etc. Donc, ils vont se construire un univers avec mm-hmm. les matériaux naturels. Également, bouger en nature permet d'améliorer l'humeur et de diminuer les ruminations. Les ruminations, c'est les pensées négatives qu'on peut... qui tournent en boucle dans la tête. Qui tournent en boucle, ouais. exactement. Ce qui, en fait, là, ça contribue là, à atténuer les symptômes liés à la dépression. Le contact avec la nature également améliore la concentration et atténue les symptômes associés aux troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est quand même intéressant. Ici, on ne prescrit pas 100% la nature afin d'atténuer complètement les symptômes, mais on parle que ça permet de les atténuer légèrement. Donc, de bouger en nature permet de diminuer les symptômes. La présence d'espaces naturels dans un quartier favoriserait les contacts sociaux et permettrait de briser de l'isolement des populations dites vulnérables. Puis j'imagine que la vie énonce aussi des retombées sociales ou politiques ou dans le milieu urbain. Oui, tout à fait, puisque ces activités de plein air-là doivent prendre place dans des lieux, donc dans des parcs, dans des parcs urbains pour... C'est ça, c'est pas forcément d'aller faire une excursion au loin. Là, on peut bénéficier de ces effets-là dans les parcs urbains. Oui, tout à fait, de prendre une marche dans un parc, par exemple. Donc, la seconde section, qui est très intéressante au niveau scientifique, traite justement des retombées sociales, environnementales et économiques du plein air sur les communautés. Donc, voici quelques faits saillants. Mm-hmm. D'abord, la nature améliore la qualité des milieux de vie en raison du fait que le bruit y est diminué par la présence des arbres, entre autres, qui vont bloquer les sons. L'air y est purifié et des corridors de fraîcheur y sont créés, surtout là, quand on parle de bétonisation et de la présence de l'asphalte qui augmente les îlots de chaleur. D'ailleurs, sous les arbres, la température peut être jusqu'à 4 degrés inférieure que celle en plein soleil. Également, investir dans les espaces naturels, plus particulièrement dans les corridors écologiques, contribue à préserver la biodiversité, c'est-à-dire une diversité dans les organismes vivants, et attirer les visiteurs. Cet investissement favorise le récréotourisme et génère des retombées économiques importantes pour les municipalités. Mm-hmm. Une étude qui a été menée au parc du Grand Coteau à Mascouche élève ses retombées jusqu'à 2,5 millions de dollars par année. Oui. Également, la présence d'espaces naturels à proximité d'un domicile pourrait augmenter sa valeur foncière jusqu'à 5 %. Les regroupements sociaux dans les parcs exercent une surveillance implicite dans les quartiers et ce fait diminuerait les taux de criminalité et d'incivilité, ce qui renforcerait en fait le sentiment de sécurité dans les quartiers. Puis, les services écosystémiques, soit les retombées économiques des services qui sont rendus par la nature, par les parcs. On peut parler par exemple par le captage de la pluie, par exemple, ou encore du carbone fourni par les parcs urbains, permettra aux municipalités et aux gouvernements de profiter d'importantes retombées économiques et environnementales. Par exemple, pour chaque dollar investi dans un arbre, selon une étude, là, 4 $ serait en retombée bénéfique là, pour la société. C'est quand même à prendre en considération. Donc, on peut voir que les activités de plein air sont bénéfiques pour les personnes qui les pratiquent, mais que les lieux où sont pratiquées ces activités sont bénéfiques finalement pour toute la population. Tout le monde doit profiter que les rues sont plus fraîches, par exemple. Tout à fait. Et comment tu décrirais le rôle de la science dans cet avis? En fait, la recherche scientifique en général contribue à non seulement faire avancer les connaissances dans un domaine spécifique, tel que celui de la santé mentale, par exemple, mais peut également servir à orienter le positionnement et la prise de décision politique. Mm-hmm. Et c'est vraiment ici que le rôle qui est important de la science. Donc, grâce à la convergence des résultats de plusieurs études scientifiques et non d'une seule, c'est alors possible d'identifier les éléments qui sont pertinents et importants à mentionner. Et cela permet aussi à appuyer les propos avancés par l'avis sur le plein air dans ce cas-ci. Donc, il est évident que ce ne sont pas toutes les études qui ont été consultées pendant la phase de revue de la littérature qui ont été citées dans le document. Mm-hmm. Parfois, on pouvait noter un manque de consensus auprès des scientifiques ou parfois, il manquait d'autres études afin d'appuyer les propos sur un sujet. Mais globalement, on pouvait vraiment discerner un large consensus sur les faits saillants que je vous ai mentionnés plus tôt et que les études sur le sujet des activités de plein air en général étaient relativement récentes également. C'est donc un champ d'études qui est plutôt jeune et qui demande à être davantage exploré. Ben, merci pour cette chronique. Et en fait, si quelqu'un est intéressé à consulter cet avis, on peut se le procurer, on peut le trouver? Oui, tout à fait. Il est possible de le télécharger sur le document complet ainsi qu'un feuillet de faits saillants sur le site du ministère de l'Éducation sous un onglet « Publications ». Mais c'est plus facile, en fait, de le retrouver dans un moteur de recherche en écrivant « Avis plein air ». Oui, d'accord. Ben, merci beaucoup, Camille. Puis, bon, on va voir. J'espère que cet avis va être observé, suivi, va être utilisé. Il ne suffit pas de faire un avis. On veut qu'il soit suivi, utilisé par le gouvernement ou d'autres instances. Oui, tout à fait. Merci.